Créateur de l'ombre, y'a du sang qui va couler. Sang qui va couler. Je rentre dans le rap et pour vous c'est pas cool. Vous c'est pas cool. NAZA, tu connais le name. Fais pas les blairs ou on tu sors le 9. Keba keba, tu connais les bails. 6 plus loin, 0 c'est l'industrie. Prendou, prodigue, que ça que mes gistrés. T'as pas poussé, je m'en fous, je vous ken tous. T'es mort dans le fumé, dans le making of. C'est que le début, mais jamais ton king of. L'instru, je la maniman. De la zik, je suis les mélomanes. Oui, je fais mal au man, je force la feuille et les soirs, je me fais mal aux mains. Je me pas dans un jeu de mots, pour moi c'est un jeu de mots de yeux créa. Pas même, je vais niquer ton icône, des kata, il pense qu'il y a des genoux. Avant le rap c'était mon passe-temps. En fait je vais niquer le game, baby basta. Avant le rap c'était mon passe-temps. En fait je vais niquer le game, baby basta. Avant le rap c'était mon passe-temps. En fait je vais niquer le game, baby basta. Avant le rap c'était mon passe-temps. En fait je vais niquer le game, baby basta. Je vais niquer le game. Ils vont se barrer, je nique les barrages. Chante ta peur quand je suis dans les parages. Chante égaré, moi je suis préparé. T'es comme ta gauche, ton flow il est garé. Oh le gamin, un texte de gamin. Je peux niquer le game comme les rayons gamma. Je suis nighté capable, t'es incapable de suivre Naza. Vaut mieux que Haram. Bra, bra, mon gimmick que je balance. Confiance en personne, mais mon poids me balance. Suis la cadence, bébé cadom. Tu te vite pour avoir mon 16 en cadeau. Ouais, c'est bon, j'accélère plus, je pète dans ta gueule. Ça c'est de l'air pur, moi je suis l'or. Toi t'es le mercure et je comprends mieux pourquoi t'adhères plus. Laisse les roupiller, moi faut des billets. On reste soudé, on va pas se découper. JK que Black Naza. C'est nous qu'allons briller, bref. Bastos comme à Compton, on bastonne si toi t'es pas content. Et si ton son n'a plus la cote que c'est que mes straps t'ont brisé les potes. Avant le rap c'était mon passe-temps. En fait je vais niquer le game, baby basta. Avant le rap c'était mon passe-temps. En fait je vais niquer le game, baby basta.